Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Picard. Remords. Où diable est passé ce chant? Ils ne viennent pas me réveiller aux aurores, est déjà exceptionnel. Mais arrive l'heure de manger, il ne s'est toujours pas pointé le nez. Voilà qui est inquiétant. Picard? Non, pas dans le frigo. Évidemment, crétin. Ne me traite pas de crétin, je ne suis pas un crétin. Peut-être, mais avoue tout de même que de chercher le chat dans le frigo, ce n'est pas particulièrement brillant. Il est doué, mais pas au point d'ouvrir la porte du frigo. Ce n'est pas de ma faute. Son absence me rend complètement gaga. Je ne suis plus moi-même. Ce n'est tout de même pas une raison pour perdre la tête. Ah, c'est ce que tu crois, toi. Tu en connais peut-être une meilleure? Ben... C'est ce que je disais. Et maintenant, fiche-moi la paix et laisse-moi chercher Picard. Picard? Pas derrière la cuisinière non plus, non. Nom de Zeus, j'ai regardé partout. Où diable peut-il être? Picard? Très cher monsieur. Oh, ce n'est que vous. Oui, en effet. Vous n'auriez pas vu mon chat? Votre... Oui, mon chat. Ah, votre... Il a disparu. Peut-être que dans notre... Très belle revue, rendormez-vous. Faudrait quand même pas pousser grand-mère dans les orties, hein? Vous voulez me faire croire que votre revue nous dira où se trouve mon chat? Non, je... Mais tu es toujours d'excellents conseils. Peut-être dans la Bible? C'est ça. Bonjour. Une petite prière ne ferait pas de tort. Juste une petite prière. Après tout, pourquoi pas? Au point où j'en suis, j'ai besoin de toute l'aide qui m'interprète. C'est d'accord. Allez-y. Comment? Hein? Pardon? C'est OK pour la prière. Allez-y. Mais c'est sérieux, là, hein? Vous ne vous moquez pas de moi, n'est-ce pas? Ce serait particulièrement cruel de votre part de me faire croire que vous acceptez mon aide pour ensuite m'ôter ce privilège. Jamais personne ne veut de nos prières. En fait, je serais sans doute le premier témoin de Malvina à qui une chose aussi merveilleuse serait arrivée. Ouais, bon, mais il faudrait tout de même se dépêcher un peu. J'ai encore un chat retrouvé, moi. Oui, oui, bien sûr. Oh, Dieu tout-puissant. Vous ne fermez pas les yeux quand vous priez, vous? Non. Oui, je prie. Je vous assure, c'est beaucoup plus efficace. Si vous le dites. Ah, c'est mieux. Vous ne trouvez pas? Vous la faites, cette prière, ou non? Si, si, tout de suite. Oh, Dieu tout-puissant. Vous devriez également joindre les mains, vous savez. Ça amplifie grandement l'effet de... Oh, Dieu tout-puissant, guidez nos pas pour retrouver le chat de monsieur, une de vos créatures perdues sur le chemin de la damnation. Amen. Amen? Amen. Mais où diable est passé ce diable de chat? Oh, Picard, où es-tu? I do. war, strike and hate, and the question came to my mind, what's happened to love? What's happened to love? And the guy dressed in white, oh girl, told me in his smile, look inside. Look inside and you'll find it in the bottom of your heart. My heart is badly hurt, and it's as painful as my mind. Reach for the pill, brother. Told the wise man, and you'll recover. Your love and your smile, your love and your smile, your love and your smile. C'était By the Time, paroles et musique de Christian Martin, interprété par Kael. Et maintenant, la pharmacie Lado pour vous invite à profiter de sa méga vente sur les laxatifs à la bourre. Pourquoi attendre? Refaites vite vos stocks. Le ballonnement, ce n'est pas marrant. Contre qui, si vous êtes enceinte, souffrez du diabète, du choléra, de la rage, du scorbut, de la méningite, d'encéphalite, d'otite, de la rage, de tendinite, de colique et de constipation. Picard? Je dirais complètement. Picard n'a jamais su sonner à la porte. Non, c'est vous, Madame Coudon. Oh mon Dieu, mon pauvre Monsieur Courtemèche, que vous arrive-t-il donc? En pyjama, les cheveux en bataille, êtes-vous malade? Si on veut. Qu'avez-vous? Ce n'est pas contagieux, j'espère. Non, rassurez-vous, vous ne courez aucun danger puisque vous n'avez pas de chat. Comment? Picard, mon chat... Il a disparu. Oh, ce n'est que ça! Comment ce n'est que ça? Vous saurez, madame, que Picard est mon copain, mon ami, mon compagnon, mon enfant, mon parent, mon petit frère, mon capitaine bien-aimé. Que sans lui, ma vie est chamboulée, sans dessus-dessous, complètement chavirée. Dans son absence, je ne m'y retrouve plus, je le cherche, je me cherche, je me tente de m'assurer que j'existe encore. Je suis perdu, percuté, parano, périmé et pourri. Incapable de manger, incapable de dormir, incapable d'aller au petit coin, incapable de travailler, incapable de penser. Incapable d'être courtois! J'allais, monsieur Courtemèche, vous parler d'une cause primordiale. J'allais vous dire que j'amassais fébrilement des fonds pour l'étude de la dépression chez les escargots d'Europe qui, depuis des générations, se traînent péniblement d'un endroit à un autre tout en laissant derrière eux la bave de leur désespoir. Ces pauvres petites bêtes si timides, repliées sur elles-mêmes en rond dans leur coquille. J'allais vous parler du professeur Lemorveux, là, sommité sur le sujet, qui m'a approché lui-même en personne pour que je me charge de sa campagne de levée de fonds. par ailleurs un homme tout à fait charmant, bien que légèrement enrhumé. J'allais vous dire à quel point ces recherches étaient essentielles pour l'économie française. Que dis-je, pour l'économie mondiale? Et surtout, surtout, pour l'avenir de la gastronomie. Mais je n'en ferai rien, monsieur Courtemèche, je ne vous salue pas. Je ne vous salue pas non plus! Les folles, les escargots. Et tout ça alors que mon pauvre piqueur a disparu. Diantre, j'y songe, on l'a peut-être kidnappé. Oui, le 911? Je voudrais rapporter un kidnapping. Ben, ici même? Ben non, pas sous mes yeux. Si j'avais vu qui a fait le coup, il aurait su ma façon de penser et il ne serait certainement pas parti avec Picard. Oui, Picard, c'est mon chat. Allô? Allô? Le 911? Une mauvaise connexion sûrement. Je réessayerai plus tard. Hit, mon camelot favori. Colique. J'attendais, tu vois. J'avais placé toute la monnaie sur le petit meuble près de l'entrée. Tiens. Ouh, des tonnes. Oui, ça en fait beaucoup, hein. Il n'y a que des sous noirs, comme tu les aimes. Picard? Ah, tu tombes mal, mon bonhomme. Conflaté? Picard a disparu, Pete. Pour flatter. Toujours flatter. Oui, je sais. Il t'aime bien. Il vient toujours vers toi pour se faire flatter quand tu arrives pour la collecte. Mais pas aujourd'hui, mon gars. Il a disparu. Je ne sais pas où il est. Perdu? Picard perdu? Oui, c'est ça. Il est perdu. Aider, chercher, trouver. Hein? Pete, aider, chercher, trouver. Ah, tu veux m'aider à chercher Picard? Oui. Et trouver. Mais, mon pauvre Pete, j'ai déjà regardé partout. Pete, aider, chercher, trouver. Oui, c'est bon, entre. Viens m'aider à le chercher. Trouver. Oups. Attends-moi un instant, Pete, il y a quelqu'un à la porte. Salut mon polo, comment on va? Moi j'ai une pêche d'enfer! Écoute, je passais dans le coin et je voulais te présenter un pote à moi. Entre, Denis, entre! Denis, polo, polo, Denis. Denis est homme orchestre pour le cirque de la groseille, n'est-ce pas Denis? Il est super doué! Et je te demandais si tu ne pouvais pas parler de lui dans ton journal. Trouver. Qui c'est celui-là? Tu nous excuseras, mais nous sommes en plein état de crise ici. Picard a disparu. Et Pete et moi, Pete, c'est mon camelot, Pete et moi, nous allions nous mettre à sa recherche. Trouver. Il l'a trouvé. Eh bien, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Denis et moi participerons aux recherches, n'est-ce pas, Denis? Pendant ce temps, Denis va nous jouer la pièce que Christian Martin a composée pour lui. Tu verras, ça va nous mettre du cœur au ventre. Trouver. Oui, Pete, on arrive. Thank you. toujours pas de chat. Où trouver? Mais cette fois, ce n'est pas faute d'avoir essayé à fond, hein? Vous avez vu l'état de mon appartement? On dirait qu'une bombe y a explosé. Je vais en avoir pour 2 ans à tout remettre en état. Et tout ça pour rien. Pas la moindre trace de Picard. Je ne sais plus quoi faire, moi. Je suis de plus en plus convaincu qu'on l'a kidnappé. Pauvre Picard. Que va-t-il devenir sans son biscuit, mes pantoufles et sa berçante? Oui, tu as raison, Denis, je n'ai pas vu leur passer. C'est dire quand on a du bon... mon polo, faut qu'on y aille, nous. Un rendez-vous important, tu comprends? Nous garderons les yeux et les oreilles ouverts, c'est promis. Et si nous voyons Picard, nous te le ramènerons dardard. Juré! Allez, Denis, avance! Hé, hey, tu ne peux pas faire attention avec ta grosse caisse! Oups, je vous demande pardon. Sorry. Est-ce que tu peux être maladroit, parfois? Oh my God! Qu'est-ce que c'est que c'est arrivé ici? Une catastrophe, Mac. Une épouvantable catastrophe. Yeah, I see. Une tornado? Oh, ça, mon appartement, ce n'est rien. Le pire, la véritable catastrophe, c'est que Picard a disparu. Il est introuvable. No! Si. Pauvre pussy. Pas trouver. Hé, hey, Morin! C'est normal, ta porte est ouverte! Entrez, pépère! Oh, Joël Morin! Tu fais du ménage? Non, pépère. Lui, chercher sa chatte. Quoi? Pas trouver. Drôle d'idée, Morin, de mettre ton logement en chantier pour ça! Viens avec moi, Picard! Le français, je le savais, je t'ai laissé une note là, sur le bord de la porte! Ah, tiens, elle est encore là! Quoi? Hey? Ah oui, lève-la, Picard! Picard, nom de Zeus! Je t'ai cherché partout, où étais-tu? Il était chez nous, comme je le disais! Mais, comment? Ah ça, je pourrais pas le dire exactement. Mais toujours est-il qu'à de bonne heure un matin, il est rentré par le châssis de la toilette, puis il a abouti direct sur les cuisses à ma mère, pendant qu'elle faisait sa business au petit coin. Je veux dire, ça lui a coupé dans la vie direct là, je peux te dire juste ça! Ben, c'était un ratoureux, ton Picard! Il a vite su se l'attacher. Pour ça, ça a pris un bain de temps pour te l'emmener, Warren. Ta mère est dure à décoller quand elle s'accroche à quelqu'un. Pépère, ça n'a plus d'importance. Picard est de retour et c'est tout ce qui compte. Merci, Pépère. Trouver. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vous interprètes Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche, de Pete et du témoin. Les textes et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement diffusé sous licence Creative Commons, Attribution Non-Commercial No Derivatives, et est une production 2011 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt!